professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Il est, dit-on, un arbre à l'Asie inconnue qui ne croît point volontiers dans la grande île dorienne de Pélops. Il naît spontanément, redouté de la lance pillarde. Il est vraiment un arbre de chez nous. C'est le glauque olivier, gardien de nos enfants. Ni jeune conquérant, ni chef sous le harnais blanchi n'en détruira la sève, car Zeus, patron de nos enclos, veille sur lui d'un œil qui jamais n'a scié, et le regard perçant d'Athéna le protège. Sophocle, Œdipe à Colone. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'huile d'olive était-elle stockée, commercialisée dans le monde antique, demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. A-t-on des traces de celliers pour conserver la production de cette huile ? Faut-il réévaluer la place des outres pour transporter l'huile d'olive, qu'on soit en Italie ou en Afrique du Nord, dans les Alpes, à dos d'âne ou à dos de chameau? Utilisait-on des fûts en bois? Quelle était l'étanchéité des tonneaux romains? Et comment distinguer le transport du vin, de l'huile d'olive et des salaisons? Quelles amphores étaient réutilisées et quelles sont les traces de poids dans l'huile d'olive? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, plusieurs millénaires, dans le cadre de sa série pluriannuelle qu'il consacre à l'économie de l'huile d'olive dans l'Antiquité et aux innovations techniques qui lui sont liées. L'archéologue rappelle dans ses différentes présentations que l'objectif de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique est d'exposer l'apport des recherches archéologiques récentes, le plus souvent lors de fouilles préventives, à la connaissance de l'histoire des techniques et de leur impact sur l'économie antique. Dans sa leçon inaugurale en 2012, il soulignait, et je le cite, « que la conception d'une histoire humaine fondée sur les techniques est une conquête intellectuelle assez récente qui a dû s'affranchir du dogme de la création du monde révélé par la Bible. Lorsque ce dogme régnait, comment imaginer une évolution fondée sur la création d'outils, d'abord de pierre, de bois ou d'os, puis de métal ? C'est avec le comte de Caylus au milieu du XVIIIe siècle et surtout avec les archéologues du nord de l'Europe au XIXe siècle que s'est mise en place cette conception de l'évolution de l'homme à travers ses outils qui nous est devenue familière grâce aux travaux des préhistoriens et aux synthèses d'André Leroy-Gourhan qui écrivait, et il le cite, « La technologie constitue une branche singulièrement importante car c'est la seule qui montre une totale continuité dans le temps » la seule qui permette de saisir les premiers actes proprement humains et de les suivre de millénaires en millénaires jusqu'à leur aboutissement au seuil des temps actuels. Avec cette série, Jean-Pierre Brun renoue avec ses premiers travaux archéologiques et avec sa thèse consacrée à l'huile et au vin dans la Méditerranée antique. Dans ce cadre, et celui de ses travaux suivants, il a fouillé de nombreuses installations vinicoles et oléicoles romaines en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce. L'archéologue fait le point sur les dernières découvertes et il nous entraîne de l'Égypte à la Grèce et à l'Empire romain, mais aussi de l'Europe à l'Afrique du Nord. Pour l'essentiel, note-t-il, l'huile d'olive était produite et consommée sur place, mais dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on relève des trafics à longue distance, ce produit étant rare en Mésopotamie. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 5 décembre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, stocker et commercialiser l'huile d'olive. Alors les fondamentaux, ça continue aujourd'hui dans une troisième partie, après avoir vu la manière dont on faisait l'huile à diverses époques et avec divers moyens, par les questions de stockage et surtout de transport et de commercialisation, c'est-à-dire les divers conteneurs et en particulier ceux que nous retrouvons en fouille, c'est-à-dire les amphores, dont nous verrons qu'il faut à la fois, évidemment, les étudier de près et s'en méfier. Alors, commençons d'abord par le stockage. L'huile, bien entendu, nécessitait des moyens de stockage de longue durée, car, comme nous l'avons vu, la production est irrégulière, avec de bonnes et de mauvaises années, dues à l'alternance des récoltes et à d'autres facteurs tels que la sécheresse trop forte ou des attaques de parasites. Dès le 24e siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Ebla, en Syrie, entreposait de grandes quantités d'huile, à la fois dans les réserves du palais et dans des lieux situés à la périphérie de la ville. À Ougarit, la maison C, construite à la fin du 13e siècle avant Jésus-Christ, conservait de l'huile dans 6 grosses jarres. À Kalavassos, à Chypre, à l'âge du bronze récent, c'est-à-dire au XIIIe siècle aussi avant Jésus-Christ, des bâtiments à piliers de pierre que vous voyez là, ici, abritaient des grandes jarres capables de contenir jusqu'à 50 000 litres d'huile. Les palais minoens, puis mycéniens, stockaient aussi des quantités considérables d'huile dans des pitoys qui étaient souvent décorés. Et à peu près à la même époque, en Occident, on conservait l'huile dans de grandes jarres, par exemple sur le site de Broglio di Trebisace, en Italie méridionale. Pour les périodes grecques et romaines, on dispose à la fois de textes qui décrivent les conditions de conservation et de quelques vestiges. Selon Théophraste, les celliers à huile doivent être exposés au sud, et vous le trouvez dans l'ouvrage sur l'origine des plantes en 1.19.4. C'est une prescription que reprend Vitruve, l'architecte de l'époque d'Auguste, en précisant que l'orientation du cellier au sud maintient la fluidité de l'huile. Et la référence, c'est livre 6, 8.3. Alors que les agronomes latins s'inquiète de l'exposition du pressoir à huile plutôt que de l'entrepôt lui-même, tel que Varron, par exemple, en 1.13.7 et Columelle en 1.6.18. L'huile était conservée dans des jarres qui devaient être bien nettoyées chaque année si l'on voulait éviter le rancissement. Pour rendre étanches les jarres à huile, Caton préconisait de les enduire de cire ou de gomme et de les remplir d'amurca, et nous verrons ce que c'est-à-dire en fait des lits d'huile, durant plusieurs jours. Et vous trouvez la référence dans l'ouvrage De Agricultura, paragraphes 69 et 100. Enfin, selon Columelle, au livre 12, paragraphe 52-15, le même résultat est obtenu en enduisant intérieurement les jarres d'argile fine. Les celliers à huile de l'époque romaine, retrouvés par l'archéologie, sont assez paradoxalement rares, bien que Caton, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, prévoyait d'équiper son domaine modèle de 100 jarres à huile, et il dit clairement « dolia olearia » dans le De Agricultura 10.4. Et en fait, on en a assez peu qui soient sûrement attestés. Dans la villa de la Pisanelle, qui est une ferme située à la sortie de Pompéi, vers le Vésuve, qui a été détruite en 79, évidemment, par l'éruption, 5 jarres à huile étaient disposées dans un couloir d'accès à l'huilerie et 4 autres rangées contre un mur du Chervin. C'est probablement celle-ci dans une vieille photo d'époque. L'huilerie de Peymenade, dans les Alpes-Maritimes, fouillée par Georges Vindry, possédait quant à elle des salles contenant 14 jarres d'une contenance de 5 à 7 000 litres et qui étaient enduites intérieurement d'argile, comme le préconisait Columel. Enfin, en Syrie du Nord, à la fin de l'Antiquité, il arrivait que l'on conservait l'huile dans des cuves taillées dans le rocher, au fond d'un entrepôt souterrain, comme c'est le cas, par exemple, dans l'huilerie de Cafarnabo, un site qui a été publié par Olivier Callot. Les villes, pour la régularité de leur ravitaillement, se devaient de posséder de grands entrepôts. Citons par exemple les Aurea Galbae, en 175 après Jésus-Christ, une inscription rappelle que Caius Pomponius Turpilianus était procurateur ad oleum de ce lieu et du port d'Ostie. Et en 373 après Jésus-Christ, à Carthage, l'entrepôt de la nonne s'appelait Conditiorum Zogitanum et l'on y conservait l'huile dans des amphores, notamment dans de grands conteneurs cylindriques de plus de 145 litres et dans de plus petits nommés quintenaria d'une contenance moyenne de 36 litres. Comme pour le vin, le plus ancien récipient de transport de l'huile fut l'outre. En général tirée d'une peau de chèvre ou de bouc, elle pouvait être faite aussi de plusieurs peaux de bœuf cousues ensemble. Ces outres sont attestées en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce et encore sous l'Empire romain. Elles sont le récipient le plus couramment employé dans le transport de l'huile par voie de terre et à courte distance. Dans l'Égypte ancienne, le bastaba d'Imeri, qui date du début du XXVe siècle avant Jésus-Christ, présente une scène de fabrication d'huile qui est ensuite transportée dans des outres. En Apulie, c'est-à-dire dans les Pouilles actuelles, au Ier siècle avant Jésus-Christ, c'est par troupeaux d'ânes que l'on transportait l'huile et le vin depuis l'intérieur des terres jusqu'au port de Brinde, évidemment dans des outres. Et je vous renvoie un célèbre passage de Varron dans les Res Rusticae, livre 2, paragraphe 6-4. Virgile écrit à ce propos: Saepe oleo tardi costas agitator azelli willibus aut onerat pomis, que l'on peut traduire ainsi: souvent le conducteur d'un lent bourriquet met sur les flancs de sa bête une charge d'huile ou de fruits. En Égypte, un papyrus daté de 96 après Jésus-Christ, Islam Nour 12, 10906, indique que deux ânes portent 4 mètres d'huile dans 4 outres, ce qui représente une charge de 91 kg par animal. Ce chiffre est corroboré par un autre papyrus daté de 114 après Jésus-Christ, le papyrus Wisconsin 2, 80, qui indique que la charge normale d'un âne était de l'ordre de 90 kg, lorsque l'huile passait la douane des districts fiscaux intérieurs à l'Égypte. Les outres étaient donc censés contenir entre 45 et 50 litres d'huile. Et sur ce point, je vous renvoie à un article très éclairant de Philippe Meyerson, Measure and Donkey Loads on Oil in Whisk 2. Haiti, paru dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie, 1999, page 189 et suivante. De la même façon, le tarif de l'octroi de Palmyre, daté du 18 avril 137 après Jésus-Christ, indique qu'en Syrie romaine aussi, l'huile d'olive était transportée dans des outres à dos de chameau, portant 2 ou 4 outres, ou à dos d'âne portant 2 outres. On en trouve encore témoignage dans les dialogues de Grégoire le Grand, qui était né vers 540 et qui a été pape en 590 et qui est mort en 604. Dialogues qui ont été publiés par Adalbert de Vauguet aux éditions du Cerf en 1979 dans la série des miracles des saints italiens. Alors que les Lombards, à cette époque-là, qui avait conquis l'Italie, écrasait les olives au pressoir pour obtenir de l'huile, Sanctulus, un saint italien, apporta une outre vide, le texte dit « outrem protulit », et demanda qu'on la lui remplisse. Les Lombards, qui n'arrivaient pas à tirer de l'huile de leurs olives, l'accablèrent alors d'injures. Mais le saint bénit le pressoir et le miracle se produisit. L'huile coula et les Lombards acceptèrent enfin de remplir son outre. Et on suit toujours cette continuation permanente des outres dans le transport de l'huile au Moyen-Âge où on utilisait absolument couramment la chèvre d'huile, c'est-à-dire la peau de chèvre remplie d'huile, qui désignait en fait une mesure. Et en 1345, le tarif d'Aurillac taxe à 12 deniers la chèvre d'huile qui entrait dans la ville. Et encore en 1596, Thomas Plater constatait que vers le Vigan, dans les Cévennes montagneuses, je cite, « le vin n'est pas conservé dans des tonneaux, mais dans des outres. C'est la même chose pour l'huile d'olive. » En fait, leur utilisation a duré en fait jusqu'au XIXe siècle, notamment dans les zones de montagne comme en Ligurie, et de là la photo que je vous ai montrée. Les outres étaient nettement plus coûteuses que les amphores, mais elles étaient légères, résistantes et réutilisables. L'édit sur les prix de Dioclétien de 301 après Jésus-Christ taxe l'outer olearius primae formae à 100 deniers, alors que une cruche d'une douzaine de litres ne doit pas dépasser 12 deniers. On a donc un facteur de pratiquement 1 pour 10 pour la valeur d'une outre par rapport à un vase en céramique. La place des récipients en pot est toutefois très largement sous-estimée par la recherche archéologique, car à la différence des amphores, elle ne se conserve pas. Faisant abstraction de quelques cas exceptionnels, certains gisements du nord de l'Europe, noyés dans la nappe phréatique, ou à l'inverse, les sites des pays désertiques, tels que ceux des déserts de Syrie ou d'Égypte. Leur place, celle des outres, a été réhabilitée par un ouvrage que je vous conseille, qui a été écrit par Élise Marlière et qui s'appelle « L'outre et le tonneau dans l'Occident romain », paru en 2002, et qui a été suivi d'ailleurs par plusieurs articles complémentaires. Et il s'avère donc que la place des outres était considérable pour le transport à courte distance et dans les zones montagneuses. L'outre était systématiquement utilisée, en effet, lorsque l'huile était produite à l'intérieur des terres et devait être transportée jusqu'au port pour être mise en amphore. C'est le cas partout en Bétique et en Afrique. Pour cette région, une illustration est fournie par les assiettes dans ce que nous appelons dans notre jargon la sigillée claire C, qui est produite au cours du IVe siècle en Tunisie centrale et qui montre des chameaux portant des outres attachés à un bât. Ce que vous voyez là, on voit donc chaque chameau porte 4 outres très grosses sur un bât. Et évidemment, c'était l'huile produite à l'intérieur des terres qui était transportée vers les ports de la côte et vers les zones où l'on produisait les amphores. Les ostracas trouvés à l'amirauté de Carthage au début du XXe siècle et qui correspondent à une trentaine de reçus datant de l'année 373 après Jésus-Christ font référence à de telles outres. Ces ostracas ont été étudiés par John Theodore Peña dans un ouvrage qui s'appelle « The Mobilization of State Oil in Roman Africa »,« The Evidence of Late 4th Century », paru dans, comme supplément au Journal of Roman Archaeology en 1998. Et l'étude de Peña montre que plus de la moitié de l'huile collectée par l'État romain au titre de l'impôt en nature, en cette fin du IVe siècle après Jésus-Christ, était apporté au port de Carthage dans des outres d'une contenance qui variait entre 72 livres, c'est-à-dire 26 litres, et jusque à de très grands récipients en pot pouvant contenir 504 livres d'huile, c'est-à-dire 183 litres environ. Ces grands récipients, analogue aux culéis de vin, sont certainement beaucoup plus communs Et ils sont d'ailleurs représentés assez souvent, soit par des bas-reliefs, comme vous voyez ici sur bas-relief conservé au Bucisch Museum, ou bien sur des peintures, comme on en voit à Pompéi. Et donc ces grands récipients étaient installés sur un berceau qui était posé sur un chariot, et un peu comme un wagon-citerne, si vous voulez. L'huile était ainsi convoyée jusqu'au port, où, après une opération de pesage, elle était transphasée dans les amphores qui n'étaient systématiquement utilisées que pour le transport par bateau. Au cours des trois premiers siècles de notre ère, on procédait de cette façon pour expédier vers Rome et vers les armées du Rhin l'huile produite en Bétique, transportée dans des outres depuis les houlueries jusqu'au port du Guadalquivir et de ses affluents. L'huile était alors versée dans les amphores. Quelquefois, néanmoins, on employait aussi les amphores pour le transport terrestre, soit qu'on les charge deux par deux sur des ânes, soit qu'on les place sur des chariots bien entourés de paille. C'est le cas, à nouveau, à Carthage, dont les ostracas nous montrent que l'huile qui arrivait à Carthage de la région d'Hippone, c'est-à-dire de l'ouest de l'Algérie actuelle, arrivait effectivement dans des amphores qui étaient transportées par bateau depuis ce secteur, tandis que celles qui provenaient de l'intérieur des terres étaient livrées dans des outres. Dans les villes méditerranéennes, donc, la plus grande partie de l'huile produite localement était donc apportée dans des conteneurs en pot, et les amphores que nous, les archéologues, retrouvons dans nos fouilles témoignent essentiellement des importations. Autant dire que les statistiques auxquelles elles donnent lieu sont totalement faussées à la base, puisque la majeure part de la consommation, celle satisfaite par les producteurs locaux, nous échappe. Alors, je reviens un peu sur les ostracas de Carthage. Vous voyez ici donc comment arrive l'huile au port de Carthage, soit dans des ascopas, qui sont des outres de diverses contenances, vous voyez ici 72 livres ou 504 livres, soit dans des amphores, par exemple ici les quintenaria ou les amphora gemellaria, qui vous donnent donc une idée de la manière dont on comptabilisait l'huile que le fisc faisait venir jusqu'au port de Carthage pour ensuite l'expédier à Rome. Alors en dehors des amphores et des outres, est-ce qu'on a utilisé aussi des futs de bois pour entreposer ou transporter de l'huile? On sait que le tonneau, inventé dans le massif alpin au cours de l'âge du fer, a été rapidement répandu en Gaule, en Germanie, en Espagne et en Gaule cisalpine par l'armée romaine qui en fit un grand usage pour approvisionner les troupes avec du vin courant. Ces tonneaux, parfois très grands, et pouvant contenir jusqu'à 1500 voire 2000 litres, étaient généralement faits en bois de résineux et cerclés avec des liens de bouleau ou de noisetier. L'étanchéité n'était pas aussi bonne que celle de nos tonneaux cerclés en fer, et ces fûts devaient donc, eux aussi, être enduits intérieurement de poids, comme les amphores. Est-il possible, dans ces conditions, qu'on ait utilisé des tonneaux de bois pour transporter de l'huile, sachant que l'huile dissout la poix et que les tonneaux risquaient de fuir? Il faut remarquer que c'est en tonneaux cerclés de bois que les ports de Marseille importaient des huiles de la mer Égée, notamment de Mytilène, de Turquie, de Smyrne et de Barbarie au XVIIIe siècle. Alors là, vous voyez ici, tiré de l'ouvrage d'Élise Marrière, L'outre et le tonneau dans l'Occident romain, une carte des découvertes de tonneaux qui montre qu'ils sont relativement nombreux, surtout en Germanie et en Bretagne, mais évidemment, et puis dans les Alpes. Il faut quand même garder à l'esprit que la carte que nous voyons nous montre les endroits où le tonneau se conserve, c'est-à-dire les zones où les sédiments, les sites archéologiques sont noyés dans la nappe phréatique, c'est-à-dire principalement le nord de l'Europe et les Alpes. Bien entendu, il y en a extrêmement peu dans la partie sud, puisque le climat ne permet pas de les conserver. Mais ce sont, autant qu'on puisse le savoir, principalement, presque toujours des tonneaux à vin et quelques tonneaux qui ont servi au transport des salaisons de poissons. Mais je crois qu'il ne faut pas totalement donc exclure la possibilité que on les ait utilisés pour l'huile, car, comme je vous le disais, au XVIIIe siècle, c'est ainsi que le port de Marseille importait les huiles venues notamment d'Orient. En Turquie, par exemple, on ne fabriquait pas de tonneaux de bonne qualité. Les marchands amenaient donc les tonneaux démontés sur les bateaux et ils transportaient avec eux un tonnelier pour les assembler sur place afin de ramener l'huile vers l'Europe. Quelques documents d'archives sont éclairants à ce propos. Selon le mémoire sur, je cite, le commerce de Smyrne, daté de 1771 et conservé à la Bibliothèque nationale de France, fonds français 6430, je cite, les bâtiments doivent porter leur futaille. Celle qu'on fait à Smyrne est mauvaise et revient plus chère parce qu'il faut l'acheter. On ne la loue pas comme à Marseille. Dans un autre document, il est dit que dans l'île de Mytilène, à la même époque, un nommé Marc, maltais, maître tonnelier, jouissait de la protection par patente de M. Charles de Peyssonnel, qui était le consul à Smyrne, car il était fort expert pour l'amarrage des futailles destinées au chargement d'huile. Ce se trouve dans un mémoire annexé à la lettre du consul de Mételine du 25 mars 1771. Et sur ces questions, d'une façon plus générale, je vous renvoie à la thèse de Patrick Boulanger, Marseille, marché international de l'huile d'olive, un produit des hommes, 1725-1825, paru à Marseille en 1996 et qui donne un tableau très clair, non seulement des flux d'huile qui arrivent de l'ensemble de la Méditerranée à Marseille, principalement à cette époque pour faire du savon de Marseille, mais aussi des pratiques commerciales et donc, entre autres, de l'utilisation du tonneau. En outre, il y avait, à l'époque romaine, des tonneliers d'une capacité maximale d'une cinquantaine de litres qui, eux, pouvaient être cerclés en fer. Et on en a quelques exemples que donne Élise Marlière dans son ouvrage. Et on en connaît, par exemple, sur l'épave de Port-Vendre III, qui date du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, et sur des sites comme le Bernard en Loire-Atlantique, ou à Mortembambe en Charente-Maritime. Il s'agit de petits tonnelets, mais qui sont cerclés de fer et qui donc sont certainement plus étanches. Et récemment, plusieurs tonnelets du IIe siècle ont été trouvés dans une fouille préventive de la rue Fongièvre à Clermont-Ferrand par Damien Martinez. Par ailleurs, Élise Marlière a établi qu'à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, les bois résineux sont remplacés dans les tonneaux par le chêne qui devient exclusif au IIIe siècle. Or, le chêne est nettement mieux adapté à l'huile que les résines. Donc je crois qu'il ne faut pas exclure que le tonneau de bois ait pu être utilisé à partir du IIe et surtout du IIIe siècle pour transporter de l'huile, que ce soit sur des chariots ou sur des bateaux. Thank you. Collège de France et France Culture vous présentent l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, stocker et commercialiser l'huile d'olive. Maintenant, ça nous amène évidemment à la question de la commercialisation. Il faut partir du principe que, pour l'essentiel, l'huile d'olive était produite et consommée sur place, dans le cadre d'exploitations familiales ou de commerces locaux de surplus, et donc ne laisse pas de traces. Mais il y a eu, depuis une époque très reculée, des trafics commerciaux à longue distance entre des zones productrices et des zones où l'olivier ne poussait pas, ou des villes dont la consommation dépassait les capacités de production régionale. Dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'huile d'olive fait l'objet de ces trafics. Elle était rare en Mésopotamie, et il fallait donc l'importer de Syrie. Et au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Marie sur l'Euphrate en faisait venir du pays d'Alatoum, c'est-à-dire de la vallée de l'Oronte. Au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, les royaumes mycéniens de Crète et de Grèce vendaient leur huile dans des vases à étrier que l'on retrouve aussi bien en Égypte qu'en Italie du Sud. Par la suite, à partir des 9e et 8e siècles, la commercialisation par voie de mer se fit essentiellement dans des amphores. Mais comment distinguer les amphores à huile de celles destinées au transport des conserves de poissons ou au transport du vin et d'autres denrées. À la différence des jarres, pour lesquelles les auteurs antiques, notamment Columelle en 1249-11 et 1252-15-17, donc les auteurs antiques nous décrivent comment on les enduit de cire ou de gomme liquide, voire d'argile délayée, aucun texte ne décrit la manière de rendre étanche les amphores à huile. Or, l'huile dissout la poix, comme Pline l'indique clairement dans le livre 14 de l'Histoire naturelle, au paragraphe 123. De plus, elle prend, en dissolvant la poix, un goût de fumée, voire de goudron. À partir de ces arguments, l'observation des amphores à huile d'Espagne et de l'observation des amphores à huile d'Espagne Dresselvin, les archéologues ont pris l'habitude de distinguer les amphores à huile non couvertes de poix de celles à vin et à conserve de poisson qui, elles, sont poissées. Or, cette constatation d'évidence a été mise en cause récemment par des analyses biochimiques réalisées d'abord par Alessandra Pecci, puis par Nicolas Garnier. Dans un article paru en 2007, Salvini et Pecci avec d'autres auteurs comme Emanuele Papi, ont établi que les amphores Dresselvin de Tamousida au Maroc avaient été poissées et maintenaient en quelque sorte des traces de poix, que les auteurs donc, de cet article s'appellent Analisi dei residui organici assorbiti nelle amphore romane, paru dans les actes du 4e congrès international de l'AIAR à Bologne en 2007, les auteurs avaient donc conclu que ces traces de poids étaient le signe du remploi des amphores qui auraient été réutilisées pour transporter des salaisons de poissons. Bon. Ensuite, en 2010, Alessandra Pecci, à nouveau, a fait le point sur cette question dans un article qui s'appelle « Analysis des ridulos organicos en amphoras » paru dans cette série dirigée par José María Blasquez Martínez et José Remesal qui s'appelle « Estudios sobre el monte Testaccio », en l'occurrence c'est le volume 5 paru à Barcelone donc en 2010. Alessandra Pecci soulignait que plusieurs analyses ont trouvé à la fois des traces de poix et d'huile, et elle posait donc la question de l'utilisation de la poix pour les contenus primaires de ces amphores, et pas seulement donc dans le cadre de réutilisation. Elle citait alors le cas d'amphores de classe C, c'est-à-dire le port de Ravenne, qui sont poissés mais qui ont contenu de l'huile. Le mélange de poix et d'huile, en l'occurrence, en ce qui concerne les amphores de classe, de l'huile de ricin qui était utilisée dans les lampes, était peut-être d'ailleurs recherchée pour donner une meilleure odeur, notamment une bonne odeur de pain, aux fumées d'éclairage. Et elle concluait donc son article en disant qu'il fallait multiplier les analyses pour prouver où que l'on poissait bien les amphores à huile ou bien que l'on procédait autrement. Et c'est ce qu'a fait peu après Nicolas Garnier dans un article écrit en collaboration avec Tony Silvino et Dario Bernal qui s'appelle « L'identification du contenu des amphores, huile, conserve de poisson et poissage » paru dans les actes du congrès d'Arles de la Société française d'études de la céramique antique en Gaule en 2011. Cet article est essentiel à la fois par ses résultats et par ses mises en garde. Alors commençons par les résultats. Il était donc admis par les archéologues qui le constataient fréquemment que les amphores poissées étaient utilisées pour les salaisons de poissons et pour le vin, alors que les amphores à huile n'étaient pas poissées. D'une manière générale, les parois des conteneurs en céramique étant poreuses, il fallait les enduire intérieurement de poix qui formait un film étanche bouchant les pores de la poterie. Comme vous le savez, la poix est un goudron végétal obtenu par chauffage dans des récipients clos où l'on fait en quelque sorte chauffer des branches de bois résineux de type pin ou sapin, et sa qualité varie en fonction du degré de chauffage. Plus la température atteinte est élevée, plus la résine se transforme en hydrocarbures polyaromatiques et en carbone qui ne sont pas solubles dans l'huile et qui donnent donc une poix qui se conserve mieux dans les sédiments archéologiques. Alors l'article analyse des amphores provenant du site du parc Saint-Georges à Lyon, d'un dépotoir fouillé dans le Rhône à Arles et d'autres amphores venant de Ceuta. Il s'agit, comme je vous l'ai indiqué, d'amphores Dresselvin dont nous sommes sûrs qu'elles servaient à transporter de l'huile de Bétic et aussi d'analyses qui ont porté sur des amphores africaines 1 qui servaient au transport de l'huile d'Afrique. Je vous rappelle seulement que les archéologues utilisent diverses typologies pour nommer les types d'amphores qui ont été progressivement identifiés. La plus ancienne liste de types d'amphores remonte à l'édition des inscriptions sur conteneurs publiées, des conteneurs trouvés à Rome, publiées par Heinrich Ressel dans le Corpus des inscriptions latines, volume 15, en 1895. Donc tout ça pour vous fixer les idées. Et la Dresselvin dont nous parlons, c'est cette grosse amphore ventrue venant d'Espagne. Pour en revenir aux analyses de Nicolas Garnier, nous pouvons en tirer plusieurs enseignements. D'une part, les acides gras qui composent l'huile se conservent mal, notamment lorsque, comme c'est le cas dans le Rhône, les amphores ont été soumises à un lessivage important. Ce lessivage affecte prioritairement les acides gras insaturés, comme l'acide oléique, et un peu moins les acides gras saturés, comme l'acide palmitique, ce qui explique qu'on les retrouve un peu mieux. Mais les phytostérols qui indiquent la présence d'une huile végétale et les triterpènes sont souvent mieux conservés, et c'est ce qu'on voit ici, qui sont relativement bien attestés, et c'est sur ces composants que travaillent à l'heure actuelle les chimistes surtout. Le point important pour ce qui nous concerne ici, c'est que sur les 13 amphores Dresselvin qui ont montré des marqueurs d'huile d'olive, 11 ont livré aussi des diterpènes et des hydrocarbures polyaromatiques qui assurent qu'elles ont été poissées. Et de la même façon, une African 1 contenait à la fois des traces d'huile sous forme de phytostérol et aussi de pois, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de traces visibles à l'œil nu. Alors le phénomène s'explique de la façon suivante. L'huile dissout la poix lentement, à température ambiante, surtout si la poix n'a pas été très chauffée. Je vous ai dit qu'au plus elle avait été chauffée, au plus nous avons du carbone et des hydrocarbures polyaromatiques qui se dissolvent peu. Alors la poix migre progressivement vers le milieu de la paroi de l'amphore, bouchant les pores et la rendant étanche, et elle n'est alors plus visible à l'œil de l'archéologue. Les produits aqueux, quant à eux, ne sont pas miscibles, et donc les sauces et conserves de poissons laissent la poix intacte, et cette dernière se conserve si les conditions d'enfouissement le permettent, c'est-à-dire si le tesson a été dans un sédiment à l'abri, par exemple, de l'air et des attaques ou du lessivage. Du fait de cette dissolution, le vin et l'huile, parce que le vin aussi dissout un peu la poix, moins que l'huile, mais le dissout quand même à cause de l'alcool, le vin et l'huile prenaient alors un goût résiné, voire empyrématique, qui nous serait fort désagréable, mais auquel les populations antiques étaient accoutumées. Cette particularité olfactive et gustative n'était donc pas rédhibitoire. En résumé, on retiendra que, même pour l'huile, il fallait rendre étanche les amphores de transport. En général, notamment en Bétique, on enduisait de poix ces amphores et que l'huile les dissolvait en partie, ce qui fait que nous ne pouvons plus les voir. Dans certaines régions de l'Afrique, l'analyse montre qu'on utilisait aussi du soufre liquide pour réaliser un film étanche dans les amphores à huile. Le soufre fond à 113 degrés et il est antifongique. Caton le préconisait pour enduire les jarres à vin, et je vous renvoie au paragraphe 39 du De Agricultura. Deux amphores africaines 1 du gisement d'Arles ont montré à l'analyse qu'elles avaient contenu à la fois de l'huile végétale, mais aussi du soufre, ce qui montre donc qu'elles avaient été enduites de cette substance qu'on ne prend pas assez en compte, car elle ne laisse pas de traces visibles. Toute une archéologie de l'extraction et du commerce du soufre devrait donc être développée, notamment à partir des découvertes faites en Sicile, entre Agrigente et Enna, dans le secteur de Roccalmuto, où se trouvaient d'importantes mines de soufre. Luca Zambito y a consacré plusieurs articles auxquels je vous renvoie, notamment la production de lo zolfo in Sicilia in età romana, paru dans The Journal of Ancient Topography en 2014. L'archéologie du soufre, si j'ose dire, du fait qu'il était vendu en pain, dont les seuls témoignages sont ce que l'on appelle les tegulae sulfuris, des sortes de tuiles qui en fait étaient des moules portant la marque du producteur et trouvées dans la région de production. Luca Zambito a prospecté plusieurs sites de production et de raffinement de soufre dont on connaît quelques entreprises d'époque romaine, telles que l'Officina Cassiana, l'Officina Porciana, l'Officina de Gelius Pelorus ou l'entreprise de Aulus Annius Eros, que vous voyez ici, évidemment, l'inscription est à l'envers pour qu'elle soit directement lisible sur le pain de soufre qui était commercialisé. Mais bien entendu, on ne trouvera aucune trace de soufre sur les lieux d'utilisation, à moins de multiplier les analyses comme celles réalisées sur les amphores africaines 1, qui, de fait, étaient fabriquées sur la côte en face d'Agrigente, rendant le soufre économiquement et pratiquement abordable, et posant donc à nouveau le problème de l'identification des amphores à vin et à huile par la présence visible de poids qui pouvait, dans certains cas, notamment en Sicile et en Afrique, être donc remplacé par du soufre liquéfié qui, évidemment, laisse encore moins de traces que la poix. Alors, venons-en maintenant aux mises en garde de l'article de Nicolas Garnier qui porte principalement sur les conditions de conservation. Garnier classe les contextes de découverte en quatre catégories principales. Les sites anaérobies, qui offrent une protection idéale car le milieu réducteur, la vase, empêche la dégradation par les micro-organismes. Le parc Saint-Georges à Lyon, situé dans un bras de la Saône, où une partie a été fouillée sous la direction de Grégoire Ayala, est un bon exemple de ce type de site, et je vous renvoie à la publication de Grégoire Ayala, qui s'appelle « Lyon-Saint-Georges, archéologie et environnement, histoire d'un espace fluvial au bord de la Saône », paru en 2013. Mais on pourrait aussi citer le cas du port étrusque et romain de Pise, San Rossore, qui présentait les mêmes conditions de conservation tout à fait optimales. Deuxième catégorie de sites, les sites terrestres en milieu réducteur, c'est-à-dire les puits, les sols marécageux, les caves, qui offrent une bonne conservation, un peu analogue aux sites anaérobies, mais pas aussi bonne car assez souvent la nappe phréatique varie et donc les matières organiques sont en partie dégradées. Il y a aussi des sites aquatiques, mais qui sont oxygénés, c'est-à-dire ceux où le courant fluvial passe et donc lessive les vases. Ça a été le cas, donc nous l'avons vu, du dépotoir fluvial d'Arles. Et il faut donc là se méfier, car les acides gras, par exemple, sont en grande partie éliminés. Et on a donc des spectres en chromatographie qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Enfin, troisième catégorie, on a les sites terrestres en milieu aride où la matière organique se conserve, mais avec des dégradations partielles dues à des agents chimiques ou à des micro-organismes. Dans ces sites-là, la poix est toujours parfaitement conservée, comme c'est ici le cas dans le site de Xeron Pelagos dans le désert oriental d'Égypte, où vous voyez ici une amphore qui est cassée en deux et qui est complètement enduite de poids. C'est donc cette espèce de vernis noir que vous voyez à l'intérieur. Et enfin, dernière catégorie, il y a les sites terrestres qui sont situés hors de la nappe phréatique et là, toute matière organique se dégrade. Et il n'y a pratiquement pas de traces détectables et donc c'est très difficile de parvenir à une interprétation. Nicolas Garnier insiste d'ailleurs sur le fait que la qualité de la poix et, comme nous l'avons vu, les conditions de conservation variables d'un point à l'autre du même site, voire à l'intérieur d'une même unité stratigraphique, peuvent entraîner des conservations très différentes. Et donc, il nous avertit que nous n'avons pas le droit de dire que si dans un même gisement, les amphores conservent des traces de poids, c'est plutôt pour le vin, alors que d'autres n'en ont pas, et donc serait plutôt pour l'huile, parce que ça ne veut pas forcément dire que ces vases étaient poissés ou non auparavant. Et de fait, selon Michel Bonifay, et Dominique Pierry, dans un article qui s'appelle « Amphores du 5e au 7e siècle à Marseille, nouvelles données sur la typologie et le contenu » paru par Journal of Rome en archéologie en 1995, dans les niveaux du 5e siècle de notre ère, qui étaient très bien conservés dans le site de la Bourse, parce que justement nous avons affaire à un de ces sites anaérobie, ils avaient remarqué que toutes les amphores late Roman III étaient poissées, que la majorité des amphores late Roman I contenant du vin de la Cilicie, alors que les late Roman III contiennent du vin de la région d'Éphèse. Donc, c'était relativement bien conservé, surtout dans celle-ci, parce que la poix était particulièrement bien cuite. Par contre, ici, on avait une conservation un peu inégale sur les late Roman I, parce que la Cilicie est une grande région et que la qualité de la poix devait varier, et donc au résultat, même dans de bonnes conditions de conservation comme le site de la Bourse à Marseille, la poix n'était pas toujours conservée. Quant aux late Roman II, qui sont ici, dont nous verrons qu'elles contenaient surtout de l'huile, elles n'étaient pas poissées, enfin il n'y avait pas de poix visible. Donc le fait que certaines de ces amphores montrent des traces de poix peut signifier soit que la poix est d'excellente qualité, ou que l'huile n'y a pas séjourné longtemps, soit que certaines de ces amphores ont été utilisées pour d'autres produits, que cela soit de façon occasionnelle ou de façon courante. Une autre difficulté réside aussi dans la réutilisation très fréquente d'amphores originellement destinées à d'autres produits, souvent du vin, pour conserver et pour revendre de l'huile produite localement. En effet, certaines régions importent massivement du vin et puis ces amphores sont disponibles et donc on peut les réutiliser. Cette pratique est prouvée par le remploi systématique d'amphores à vin en Égypte, de types qui sont connus dans les papyrus sous le nom de cnidion, c'est-à-dire amphores de cnide, angéion, samaton, capsakion, et qui, selon certains papyrus, ont été remployés pour mettre de l'huile. Je vous renvoie par exemple au papyrus de la Société italienne 8 numéro 960. Un ostracone trouvé dans le dépotoir du 1er siècle après Jésus-Christ de Bérénice, vous savez, ce port sur la mer Rouge d'où partaient les bateaux vers l'Inde et d'où les bateaux aussi revenaient chargés de poivre et d'épices. Donc, un ostracone, c'est-à-dire un fragment de poterie trouvé dans ce dépotoir à Bérénice, nous donne la démonstration pratique. Il fait partie d'un lot de 35 ostracas qui ont été publiés par Roger Bagnall et ses collaborateurs dans un ouvrage qui s'appelle Documents from Berenice, Greek Ostraca from the 1996-1998 seasons, paru à Bruxelles en 2000. Sur ces ostracas ont été écrits des bordereaux de passage de marchandises qui ont payé les taxes et qui étaient livrés dans la ville de Bérénice. Ces bordereaux étaient en effet délivrés à Coptos, c'est-à-dire là où se trouvait la douane sur le Nil, et ils étaient contrôlés à l'entrée du port par les agents du fermier de la douane. Dans le cas précis de l'ostracone Bérénice 4, on peut lire « Sosibios à Andouros, salutations, Sosibios est l'agent des douanes à Coptos et Andouros celui qui contrôle à Bérénice, salutations, et dans le texte dit « Laissez passer pour Picos, fils de Castor, des provisions pour le mois, le chiffre est perdu, et ce qui nous intéresse ici, il y a écrit 7 italica d'huile, Elaiou italica. Or, nous savons que l'amphore dénommé italica dans les ostracas d'Égypte correspond, dans notre jargon d'archéologue, à la forme Dressel 2-4, et qui servait à exporter le vin d'Italie, principalement du Latium de la Campanie, un peu partout dans le monde, et y compris vers l'Inde. Mais il est précisé que ces italicas sont remplis d'huile, ce qui implique un remploi, qui ont, clairement, on ne s'est pas du tout préoccupé du poissage interne, car c'était probablement, comme nous l'avons vu, la règle pour les amphores à huile. La pratique du remploi des amphores pour un commerce secondaire de l'huile est aussi prouvée par les analyses chimiques réalisées par un nouveau Nicolas Garnier sur les amphores du navire B de Pisa à San Rossore, et qui étaient pour l'essentiel des amphores à vin. 15 amphores à vin ont été analysées, elles étaient poissées, et elles ont livré, 10 d'entre elles ont livré du vin, et 3 ont livré de l'huile. Dans le même site, des Dressel 6A, contenant originellement du vin d'Istrie, avaient été remployés pour transporter de l'huile. Nous devons donc garder à l'esprit que le trafic d'amphores n'est qu'une partie, souvent mineure, des échanges commerciaux ou non commerciaux, c'est-à-dire lorsqu'on fait venir de ses propriétés ses propres produits, c'était très souvent le cas pour les aristocrates. Ces échanges commerciaux ou non commerciaux qui utilisaient le plus souvent des outres et peut-être des tonnelés ou des tonneaux. Deuxièmement, que le site archéologique où l'archéologue trouve l'amphore est la destination finale d'un produit parfois différent de celui originellement commercialisé. Une amphore à vin a pu servir au commerce du vin vers une contrée, puis cette amphore et d'autres de la même série ont pu être réutilisées pour expédier de l'huile dans une autre région. Il y a donc un risque que l'amphore vinaire que l'on retrouve dans le site où elle a été jetée y soit en fait arrivée pleine d'huile ou d'un autre produit. L'épave de Grado, dans l'Adriatique, en est un bon exemple. Le navire, qui a coulé un peu après 150 après Jésus-Christ, transportait plusieurs sortes d'amphores à huile, des Ostia 23, des Ostia 59, des Africaines 1, des Tripolitaines 1 et 3, et des amphores à vin, notamment des amphores de Forli, des amphores de Cnide, donc un joyeux mélange de toutes sortes d'amphores. Or, toutes avaient été réutilisées pour transporter des salaisons et des sauces de poisson. Autant dire que les amphores nous informent certes sur les grands courants commerciaux, le vin italien vers la Gaule, l'huile de Bétique vers Rome, le poisson salé d'Afrique vers l'Italie ou la Gaule, mais pas sur la totalité des trafics. Les amphores nous disent peu sur les commerces locaux ou régionaux. Elles témoignent parfois d'une toute petite partie de la production, comme c'est le cas du vin en Gaule interne, qui, nous le savons désormais, était majoritairement vendu dans des tonneaux de bois. Et enfin, elles nous trompent lorsqu'elles ont été remployées et que nous ne disposons pas d'analyse pour le prouver, ce qui est presque toujours le cas, faute de moyens financiers. C'était les cours du Collège de France le 5 décembre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, stocker et commercialiser l'huile d'olive. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il a publié « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » chez Hérance. Réalisation Anne Sécheret, présentation Myrine Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de la culture des oliviers et de la commercialisation de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.